Section 10, chapitre 18 et chapitre 19. Chapitre 18. Monsieur Abel cherche à placer Jean. Hélène attendit au soir pour écrire à son petit Jean et lui annoncer l'heureux changement qui se faisait dans sa vie. Après avoir raconté ce que nous venons de lire, elle ajouta « Tu vois, mon enfant, que je ne vais manquer de rien. Le bon monsieur Kersac me paye tout mon entretien et je n'abuserai pas de sa trop grande bonté. Il prend la petite Marie à sa charge. Il ne sera donc plus besoin que vous vous priviez, Simon et toi, pour me venir en aide. Gardez ce que vous gagnez, mes bons enfants. J'ai reçu plus de 800 francs depuis ton départ, mon petit Jean. C'est trop pour vous, chers enfants. Il faut songer à votre avenir. Pour moi, j'ai payé toutes les petites dettes qu'on ne me réclamait pas, mais que je savais devoir depuis 5 ans, du temps de ton pauvre père. J'ai fini de payer le médecin il y a 3 jours, avec les 60 francs de gratification que vous aviez reçus et que vous m'avez envoyés tout d'un bloc. Quant à ma vie, elle ne me coûte pour ainsi dire rien, grâce aux bontés de M. Kersac, qui m'apporte tous les 15 jours des provisions pour la quinzaine. Il est bien bon, mes enfants. Priez pour lui, afin que le bon Dieu le bénisse et le récompense de ce qu'il fait pour moi. Je pars lundi pour Sainte-Anne. Je crois que j'y serai heureuse. C'est là qu'il faudra m'écrire. » Lorsque Simon et Jean reçurent cette lettre, ils furent plus heureux encore que ne l'était leur mère. Ils bénirent le bon Kersac, et Jean lui écrivit le soir même une lettre pleine de reconnaissance et d'affection. « Simon, dit Jean, une chose qui me revient dans la lettre de maman, c'est ce qu'elle dit des 800 francs qu'elle a reçus et des 60 francs de gratification. De quelle gratification veut-elle parler? En as-tu reçu une, de M. Métis ?» Simon. « Pas la moindre. Ce n'est pas son genre, tu sais. Il est bien bon pour nous. Il donne des permissions. Il nous permet, par exemple, d'aller souvent le soir chez M. Amédée. Mais quant à donner de l'argent, ce n'est pas son habitude. » Jean. « Et les 800 francs? Avons-nous envoyé tant que ça ?» Simon. « Non, certainement non. Mais c'est facile à voir. J'ai tout écrit à mesure. » Simon regarda sur son livre, fit son total et trouva 420 francs. Simon. « C'est singulier. D'abord, comment aurions-nous pu envoyer en 2 ans 800 francs, puisque j'en reçois 400 et toi 200, et nous avons à payer notre entretien, notre blanchissage, les vêtements et les chaussures. Je n'y comprends rien. » Jean. « Je crois que je comprends, moi. C'est notre bon monsieur Abel. Ce doit être lui. Ceci, par exemple, c'est d'une bonté qui dépasse tout ce qu'il a fait. Y penser, envoyer comme si c'était de notre part et par petites sommes, pour qu'on ne le devine pas. Mon Dieu, qu'il est bon. Que je l'aime, que je le bénis, et de penser que je ne puis rien faire pour lui montrer ma reconnaissance, je ne puis même le lui dire comme je voudrais, je n'oserais pas l'embrasser et lui baiser les mains, quoiqu'il soit bien bon, je n'ose pas. » Simon. « Ce que tu peux faire, mon ami, c'est de prier pour lui, plus encore que tu ne l'as fait jusqu'ici. » Jean. « Je ferai de mon mieux, mais c'est si peu de choses. » Le lendemain, lorsque Jean servit le déjeuner de M. Abel, celui-ci lui trouva un air tout embarrassé. « Qu'y a-t-il, mon enfant ? » lui dit M. Abel. « Tu n'as pas ton air gai et riant aujourd'hui. T'arriverait-il quelque contrariété ?» Jean. « Au contraire, monsieur, et c'est ce qui me gêne. » M. Abel. « Qu'est-ce que tu dis donc ? Depuis quand le bonheur donne-t-il de la gêne ?» Jean. « Ce n'est pas précisément le bonheur qui me gêne, monsieur, c'est d'être obligé de le garder pour moi. » Monsieur Abel. « Et pourquoi le gardes-tu, Nigaud ? Pourquoi ne me le dis-tu pas ?» Jean. « Vous permettez, monsieur ?» Monsieur Abel, riant. « Si je le permets, tu sais que nous sommes une paire d'amis et que nous nous disons tous nos secrets. » Jean. « Pas vous, monsieur, pas vous. Et la preuve, c'est que mon secret vous regarde. » Monsieur Abel regarda avec surprise. Jean. « Oui, monsieur, c'est de vous qu'il vient. » Et vous me l'avez caché, et ce qui me gêne, c'est de ne pouvoir vous dire tout ce que j'éprouve pour vous d'affection et de reconnaissance depuis que je sais comme vous avez soigné, pauvre maman. Oui, oui, monsieur, vous n'avez pas besoin de faire l'étonner. Vous lui avez envoyé comme venant de Simon et de moi depuis plus de 2 ans, et par petite somme, plus de 500 francs. Tout se découvre, vous voyez bien, monsieur. Tout, excepté les sentiments qui remplissent le cœur de ceux qu'on a obligés et qui ne savent comment les exprimer. M. Abel sourit et tendit la main à Jean qui la couvrit de baisers et qui reprit toute sa gaieté et son entrain quand M. Abel l'eut assuré qu'il comprenait ses sentiments. « Je t'assure, mon enfant, que je vois dans ton cœur comme dans le mien, et je suis très content de ce que j'y vois. » Jean. Alors, monsieur, je n'ai plus besoin de parler pour que vous deviniez. Monsieur Abel. Non, non, tes yeux parlent assez clair. Un regard de toi et je devine tout. Mais j'ai à te parler, Jean. Voilà Simon qui va bientôt se marier. Il n'est plus seul déjà, puisqu'il va presque tous les soirs chez Mademoiselle Aimée. Je crois bien que le père va faire le mariage au printemps prochain, dans quelques mois d'ici. Une fois Simon marié et établi chez son beau-père, qui l'aidera dans son commerce, je ne veux pas que tu restes ici. Tes camarades ne sont pas bons. Ils chercheraient à te mener à mal, et tu n'aurais peut-être pas la force de résister. Tu perdrais tes habitudes chrétiennes, tes bons sentiments, ce qui me causerait un vif chagrin. Jean. Oh, monsieur, que puis-je faire pour vous épargner cette inquiétude ? Quant au chagrin, j'espère, avec l'aide du bon Dieu, ne jamais vous en donner. Mais faites de moi ce que vous voudrez, monsieur. Je vous obéirai en tout. Monsieur Abel, je te remercie, mon enfant. Voilà donc mon idée. Je te retirerai d'ici et je te placerai comme domestique chez des amis très chrétiens, très bons. Le mari et la femme sont très pieux. Leurs enfants sont bien élevés et charmants. C'est une famille excellente, charitable, quoique riche. Et c'est là où je voudrais te faire entrer. Tu serais second domestique sous les ordres d'un homme excellent qui ne te rendrait pas la vie dure, et ton emploi principal serait de soigner et de distraire le pauvre petit garçon de 10 ans qui est un vrai petit saint. Il est couché depuis plus d'un an, il souffre sans cesse. Jamais il ne se plaint, jamais il ne s'impatiente. Il est réellement touchant et attachant. Jean. Merci, monsieur, merci. Voyez, je ne dis plus rien, je vous regarde. Monsieur Abel se mit à rire, donna une petite tape amicale sur la joue de Jean et se leva de table. Monsieur Abel, je vais m'occuper de toi. Je te donnerai réponse définitive demain. Jean courut raconter à Simon ce que lui avait dit Monsieur Abel. Simon partagea la satisfaction de son frère. « Puisque je dois quitter le café, dit-il, je suis content que tu en sortes aussi et que notre bon Monsieur Abel se charge de te placer. » Il finissait à peine de parler que Jeannot entra dans le café et alla droit à Simon. « Je viens te demander un service, Simon, » dit-il, d'un ton fort décidé. « Simon, lequel, que veux-tu » « Jeannot, je te demande de me chercher une place. Je quitte décidément l'épicerie, je veux me mettre en maison. » « Simon, je connais peu de monde, et toute ma journée est occupée à servir les allants et venants. Je n'ai donc pas le temps de te chercher une place. » « Jeannot, demande à M. Métis de me prendre. » « Simon, M. Métis cherche ses garçons lui-même. Il n'aime pas qu'on s'en mêle. » « Jeannot, tu es bien aimable. Je te remercie de ton obligeance. » Simon ne répondit pas. « Jeannot, je vois ce que c'est. Tu ne veux pas me recommander. » « Simon, c'est possible. Je ne recommande que ceux que je connais. Et toi, je ne te connais plus. Tu ne viens plus nous voir. » « Jeannot, c'est ce gueux de Pontois qui t'a dit du mal de moi ?» « Simon, c'est possible, et d'après la manière dont tu parles de ton bourgeois, il n'aurait pas tort. » « Jeannot, qu'est-ce qu'il t'a dit ?»« Sinon, je n'ai pas besoin de te le raconter et tu n'as pas besoin de le savoir. » « Jeannot, je veux le savoir et tu me le diras. » « Simon, je ne te le dirai pas et tu ne le sauras pas. » « Jeannot, prends garde à toi, je pourrais te faire du mal. » « Simon, fais ce que tu voudras et va-t'en. » « Jeannot, si jamais je te rencontre sur mon chemin et que je puisse te barrer le passage à toi et à ton Jean, je ne vous manquerai pas. » Simon vivement. « Méchant drôle, avise-toi de toucher à Jean et je te ferai empoigner par la police. » « Jeannot, je ne la crains pas, ta police. Une dernière fois, je te demande, veux-tu me recommander pour une place de domestique ?» Simon avec force. « Non, non, je t'ai déjà dit non et je te répète non. Et va-t'en. » Jeannot se retira lentement en menaçant du poing. Jean. Mon bon Simon, pardonne-lui, il était hors de lui. Je suis sûr qu'il regrette déjà de t'avoir parlé si rudement. Simon. Non, mon ami, il ne regrette pas. Il ne regrettera sa mauvaise conduite que lorsqu'il sera trop tard. Pontois m'a encore parlé de lui dernièrement, et d'après ce qu'il m'a dit, Jeannot est perdu. Jean. Mon Dieu, pauvre Jeannot. Peut-être qu'en le mettant dans une bonne maison, bien pieuse et bien honnête, il redeviendrait bon. Simon. Je ne crois pas, mon ami. En tout cas, je ne puis le recommander comme un garçon honnête ni rangé. Jean ne dit plus rien, mais il forma un projet. Chapitre 19. Monsieur Abel place Jeannot. Le lendemain, Jean attendit avec impatience Monsieur Abel. Dès qu'il l'aperçut, il courut à lui. « Jean, j'ai à vous parler, monsieur, d'une chose très importante. mais n'en dites rien, c'est un secret. Monsieur Abel. Ah, tu as un secret. Je serai muet comme la tombe. Tu peux me dire ce que tu voudras. Jean. Bien, monsieur. Vous voyez, je vous regarde. Et puis je cours vous chercher votre déjeuner. Ce bon garçon, se dit Abel en souriant, il n'oublie jamais la reconnaissance qu'il croit me devoir et qu'il me doit, au fait, car je lui ai fait du bien tout en me faisant plaisir, et du bien à l'âme. Jean revint, apportant un beefsteak aux pommes, tout fumant, bien cuit à point, un petit pain mollet et une bouteille de vin de premier choix. Jean. Là, mangez, monsieur. Pendant que vous déjeunerez, je vais vous raconter quelque chose et je vous demanderai un service, un très grand service. Monsieur Abel. Parle, mon ami, je t'écoute. Jean lui raconta ce qui s'était passé la veille et finit par lui demander instamment de placer Jeannot. Monsieur Abel. Mais, mon ami, je trouve que Jeannot s'est très mal conduit avec Simon et qu'il ne mérite pas du tout mon intérêt ni le tien. Jean. Cher monsieur Abel, pensez donc que monsieur Pontoise va le renvoyer et que ce malheureux Jeannot mourra de faim et de froid, car voici l'hiver qui approche. Monsieur Abel. C'est vrai. Mais comment veux-tu que je recommande ce garçon que je ne voudrais pas pour moi-même? Jean. Oh, monsieur, vous avez été pour Simon et pour moi si bon, que si je ne craignais de vous fâcher, je dirais, ce que je pense au reste, qu'il n'y a pas de saint meilleur que vous. Et vous seriez méchant pour Jeannot? C'est impossible. Mon bon, mon cher bienfaiteur, ayez pitié de lui, pardonnez-lui, sauvez-le. Monsieur Abel. Écoute, mon enfant, pour toi, par amitié, pour toi, je ferai ce que tu me demandes, mais... Jean, en joignant les mains. Vraiment? Oh, monsieur, je ne dis rien, mais voyez ce que vous dit mon cœur. Monsieur Abel, souriant. Je vois et je te remercie, mon enfant. Mais entendons-nous. Pour le placer, il faut que je sache tout. Parle-moi bien franchement, comme à un ami que tu ne veux pas tromper. Réponds seulement aux questions que je vais te faire. Le crois-tu honnête? Jean, hésitant et baissant les yeux. Non, monsieur. Monsieur Abel, souriant. Bon, Edin, le crois-tu actif, laborieux? Jean, de même. Non, monsieur. Monsieur Abel. Et de deux, le crois-tu religieux? Jean. Non, monsieur. Monsieur Abel. Et de trois, le crois-tu serviable, obligeant? Jean. Non, monsieur. Monsieur Abel. Quatre, le crois-tu sincère, loyal? Jean. Non, monsieur. Monsieur Abel. Le crois-tu bon camarade, d'un caractère agréable? Jean. Non, monsieur. Monsieur Abel. Le crois-tu propre, rangé, intelligent? Jean. Non, monsieur. Monsieur Abel se mit à rire de si bon cœur que Jean lui-même ne put s'empêcher de rire avec lui. Quand l'accès de gaieté fut calmé, monsieur Abel reprit. Mon pauvre enfant, que veux-tu que je fasse d'un pareil garnement? Ne t'effraie pas, je t'ai promis de le placer et je tiendrai parole. Mais comment vais-je faire? À qui et comment demander de prendre à son service un garçon voleur, menteur, irréligieux, paresseux, grognon, maussade, désobligeant, sale, désordonné, bête, et je ne sais quoi encore? Sac à papier, quelle tâche tu me donnes? Quel service absurde tu me demandes? C'est bête comme tout. Je ne sais pas comment m'y prendre. Monsieur Abel se remit à rire de plus belle. Jean commença à s'inquiéter, il sentait l'absurdité de sa demande. Il craignit d'avoir abusé de la bonté de monsieur Abel. « Monsieur, monsieur, dit-il d'un air suppliant, pardonnez-moi, ne m'en veuillez pas. Je sens que je vous ai demandé une chose impossible, mais ce pauvre Jeannot me fait une telle pitié, plus il est mauvais et plus je le plains. » Monsieur Abel, et tu as raison, mon enfant, le méchant est réellement à plaindre. Ne crains pas de m'avoir mécontenté. Je comprends très bien ta pensée, et, qui sait, peut-être pourrais-je le ramener et lui faire du bien. Jean. Si vous y parvenez, monsieur, comme le bon Dieu vous bénira. Monsieur Abel, riant. Et comme tu me regarderas, mieux encore que tu ne me regardes maintenant. À propos, ton affaire à toi est arrangée. Tu entreras chez mes amis de Grignan. Il y a monsieur, madame, mademoiselle, et le pauvre petit garçon bien malade dont je t'ai parlé. Un vrai petit saint, celui-là. Demande à Simon s'il désire que tu y entres. Il est ton frère aîné, le chef de ta famille. C'est lui qui doit décider de ton sort. Et à présent que nos affaires intimes sont terminées, je vais aller faire les miennes. Et celles de monsieur Jeannot, voleur, menteur, etc. Ha ha ha! et après avoir serré la main de Jean, qui baisa celle de M. Abel, il s'échappa, riant encore. Jean raconta à son frère ce que lui avait promis M. Abel pour Jeannot et ce qu'il avait arrangé pour lui-même, Jean, sauf la vie de Simon. Simon, dans ces conditions, et puisque tu as tout dit à M. Abel, il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'il place Jeannot, et ce sera un vrai tour de force. Et quant à toi, frère, je voudrais bien que tu puisses attendre que l'époque de mon mariage fût décidée et que M. Métis ait le temps de nous trouver de bons remplaçants. Jean, comme tu voudras, mon bon Simon. Je suis plus heureux près de toi que je ne le serai jamais avec personne. Ainsi, plus nous resterons ensemble et plus je serai satisfait. » Lorsque Abel rentra dans son atelier, il y trouva son ami que nous continuerons à appeler Cain. Et l'air riant d'Abel attira l'attention de son ami. « Cain, qu'as-tu donc vu de si gai aujourd'hui ? » ?»« On dirait que tu retiens un éclat de rire, Abel. »« Ah ah ah, tu devines juste !» J'ai ri au café, j'ai ri en route, je ris encore, et je rirai toutes les fois que j'y penserai. Figure-toi que cédant aux sollicitations de mon petit ami Jean, je me suis engagé, oui, engagé, à placer comme domestique un garçon voleur, menteur, sale, paresseux, maussade, négligent, insolent, etc., etc. Cain riant. Toutes les qualités réunies à ce que je vois. Et ce domestique, voleur, menteur, etc. Qui est-il ? Comment s'appelle-t-il ? Abel. Jeannot, le Jeannot qui m'est antipathique. Cain. Et à qui destines-tu ce trésor ? Abel. Ma foi, je n'en sais rien. Il faut que tu m'aides à tenir ma parole. Cain. Très volontiers. De même que toi, j'aime ce qui est bizarre. Et je ne vois rien de plus original que de s'intéresser à un Jeannot. Abel. Bon, je vais me mettre à la besogne. Et tout en me regardant peindre, tu tâcheras de trouver une idée, et une bonne. Dépêche-toi, pour que je la porte demain à mon petit Jean. Cain, je crois que tu n'attendras pas longtemps. J'ai en vue un coquin qui fera notre affaire. Le lendemain, Abel arriva au café avec empressement. Jean, dit-il, vite, mon déjeuner, que je te raconte ce que j'ai fait. Jean s'empressa d'apporter le déjeuner et resta debout en face de M. Abel, attendant avec impatience qu'il parlât. Il n'attendit pas longtemps. Monsieur Abel. « Eh bien, mon ami, j'ai une place pour Jeannot. » Jean. « Déjà, monsieur ?» Et ses yeux brillèrent comme des escarboucles. Jean. « Déjà ? Que vous êtes bon ?» Abel le regarda et sourit. Monsieur Abel. « Bien, bien, je comprends. C'est une très bonne place. Des gens fort riches, qui payent bien, qui ne sont pas méchants. Jeannot sera bien nourri, bien habillé, bien payé. Tu vois qu'il sera bien. » Jean. « Mais, monsieur, sera-t-il bien traité ?» Monsieur Abel, ma foi, je n'en sais rien, cela dépendra de lui. Jean. Monsieur, est-ce une maison dans laquelle vous me feriez entrer ? Monsieur Abel. Diantre, non, pas toi, jamais toi. Je te renverrai plutôt au village. Jean. Mais alors, monsieur, Jeannot y sera très mal. Monsieur Abel. Jeannot y sera très bien. Jeannot est un mauvais drôle, voleur, menteur, etc. Et une maison honnête et tranquille ne lui irait pas. Il n'y resterait pas deux jours. Toi, mon enfant, je te place dans une excellente maison avec de bons maîtres, bien charitables, qui savent que tous les hommes sont frères et qui les traitent comme des frères. Tu seras sous les ordres d'un valet de chambre qui est un vrai modèle. Et à propos de ta position, que t'a dit Simon ? Jean. Il désire, monsieur, que je donne à monsieur Métis le temps de me remplacer. Monsieur Abel. Très bien, rien de plus juste. Je veux parler à monsieur Métis. Le trouverai-je chez lui, en sortant d'ici ? Jean. Oui, monsieur, il ne sort jamais avant midi. Monsieur Abel acheva son déjeuner et monta chez le maître du café. Il en descendit au bout d'un quart d'heure. Monsieur Abel. Jean, je viendrai te prendre demain pour te mener chez tes futurs maîtres. Habille-toi proprement. Jean. Oui, monsieur, je serai prêt. Quand Abel fut parti, Jean, toujours si gai, s'assit tristement sur une des chaises qui entouraient l'étable. Simon entra et le voyant sérieux et immobile, il s'approcha de lui. Simon. Es-tu souffrant, mon ami ? Comme tu es triste. Jean. Monsieur Abel doit me mener demain chez mes futurs maîtres, Simon. Je ne serai plus avec toi. Simon. Mais tu me verras souvent, mon ami, surtout quand je serai marié. Mon nouveau commerce me laissera bien plus de liberté. Jean lui serra la main, tâcha de reprendre sa gaieté et finit par y réussir. Monsieur Abel avait été chez l'épicier en sortant du café. Il trouva Jeannot seul dans la boutique, suçant du sucre candi. Monsieur Abel. « Viens ici, drôle. d'après les sollicitations de Jean, je t'ai trouvé une place, une bonne place, bien meilleure que tu ne le mérites. Tu iras demain à midi rue de Penthièvre, 28. Tu monteras au premier. Tu demanderas M. Boissec, le maître d'hôtel de M. le comte de Fuffières, et tu lui diras que tu viens de la part de M. Cahin. On t'expliquera le reste là-bas. Jeannot. Merci bien, monsieur. Je suis bien reconnaissant. M. Abel. C'est bon, c'est bon. Au reste, ce que j'en fais, ce n'est pas pour toi, c'est pour Jean. Va me chercher Pontois. Jeannot. Humblement. Oui, monsieur. Je remercie bien, monsieur. Je ne suis pas comme monsieur croit. Simon et Jean m'ont sans doute fait du tort dans l'esprit de monsieur. M. Abel, vivement. Tais-toi, pas un mot de plus ou je t'assomme. Jeannot s'empressa de sortir. Misérable, ingrat, dit Abel, se parlant à lui-même. Au moment où Jean lui rend un service qu'aucun autre ne lui aurait rendu, il ose l'accuser de calomnie. Si ce n'était ma promesse à Jean, j'irais défaire ce qu'a fait Cahin. Le gueux, le gredin. Pontois entra, il reconnut M. Abel, le chanteur. Pontois, avec insolence. « C'est vous, monsieur le chanteur. Que me voulez-vous » M. Abel, sèchement. « Je veux vous parler, monsieur l'épicier, au sujet du garçon que vous appelez Jeannot. Vous n'y tenez pas, il ne tient pas à vous. Je vous en débarrasse. Envoyez-le demain, là où je lui ai dit d'aller. Il faut qu'il y aille. Entendez-vous, il le faut. Il vous devra une indemnité pour les 8 jours que vous auriez le droit de lui demander. La voici. » Il jeta sur le comptoir une pièce de 20 francs et sortit, laissant Pontois stupéfait. « Qui est donc ce monsieur ? On dirait d'un prince. Quel air ? Quelle hauteur ? Et comme il a jeté cette pièce d'or, comme on ferait d'un sou, il me débarrasse de Jeannot, qui est un mauvais drôle. Et il me paye encore. Bonne affaire pour moi. Mais qui est donc ce monsieur Abel ?» Il ramassa la pièce d'or, la mit dans son gousset, appela un garçon et remonta dans son entresol. Fin de la section 10.